Chapitre 179e, le procès. La journée du 26 arriva et trouva le roi préparé à tout, même à la mort. Il avait fait son testament la veille. Il craignait, on ne sait pourquoi, d'être assassiné en allant le lendemain à la convention. La reine était prévenue que, pour la seconde fois, le roi se rendait à l'assemblée. Le mouvement des troupes, le bruit du tambour eussent pu l'effrayer outre mesure, si Cléry n'eut pas trouvé moyen de lui en faire connaître la cause. À 10 heures du matin, Louis XVI partit, sous la surveillance de Chambon et de Santerre. Arrivé à la convention, il fallut attendre 1 heure. Le peuple se vengeait d'avoir fait 500 ans antichambre au Louvre, aux Tuileries et à Versailles. Une discussion avait lieu à laquelle le roi ne pouvait assister. Une clé remise par lui le 12 à Cléry avait été saisie dans les mains du valet de chambre. On avait eu l'idée d'essayer cette clé à l'armoire de fer, et elle l'avait ouverte. Cette clé avait été montrée à Louis XVI. « Je ne la reconnais pas », avait-il répondu. Selon toute probabilité, il l'avait forgée lui-même. Ce fut dans ces sortes de détails que le roi manqua complètement de grandeur. La discussion terminée, le président annonça à l'assemblée que l'accusé et ses défenseurs étaient prêts à paraître à la barre. Le roi entra, accompagné de Malesherbes, de Tronchet et de Decèze. « Louis, dit le président, la convention a décidé que vous serez entendu aujourd'hui. »« Mon conseil va vous lire ma défense, » répondit le roi. Il se fit un profond silence. Toute l'assemblée comprenait qu'on pouvait bien laisser quelques heures à ce roi dont on brisait la royauté, à cet homme dont on tranchait la vie. Puis, peut-être, cette assemblée, dont quelques membres avaient donné la mesure d'un esprit si supérieur, s'attendait-elle à voir jaillir une grande discussion ? Prête à se coucher dans son sépulcre sanglant, déjà drapé dans son linceul, peut-être la royauté allait-elle se dresser tout à coup, apparaître avec la majesté des mourants, et dire quelques-unes de ces paroles que l'histoire enregistre et que les siècles répètent. Il n'en fut point ainsi. Le discours de l'avocat de Decèze fut un véritable discours d'avocat. C'était cependant une belle cause à défendre que celle de cet héritier de tant de rois, que la fatalité amenait devant le peuple, non pas seulement en expiation de ses propres crimes, mais en expiation des crimes et des fautes de toute une race. Il nous semble qu'en cette occasion, si nous avions eu l'honneur d'être M. Decèze, nous n'eussions point parlé au nom de M. Decèze. La parole était à Saint-Louis et à Henri IV. C'était à ces deux grands chefs de race à laver Louis XVI des faiblesses de Louis XIII, des prodigalités de Louis XIV, des débauches de Louis XV. Il n'en fut point ainsi, nous le répétons. Decèze fut ergoteur quand il eût dû être entraînant. Il s'agissait non pas d'être concis, mais d'être poétique. Il fallait s'adresser au cœur et non au raisonnement. Mais peut-être, ce plat discours terminé, Louis XVI allait-il prendre la parole, et puisqu'il avait consenti à se défendre, allait-il se défendre en roi, dignement, grandement, noblement ? « Messieurs, dit-il, on vient de vous exposer mes moyens de défense, je ne vous les renouvellerai point. En vous parlant peut-être pour la dernière fois, je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité. Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement, mais mon cœur est déchiré d'avoir trouvé dans l'acte d'accusation l'imputation d'avoir voulu faire répandre le sang du peuple et surtout que les malheurs du 10 août me soient attribués. J'avoue que les preuves multipliées que j'avais données dans tous les temps de mon amour pour le peuple la manière dont je m'étais conduit, me paraissait devoir prouver que je craignais peu de m'exposer pour épargner son sang et éloigner à jamais de moi une pareille imputation. Comprenez-vous le successeur de 63, le petit-fils de Saint-Louis, de Henri IV et de Louis XIV, ne trouvant que cela à répondre à ses accusateurs ? Mais plus l'accusation était injuste à votre point de vue, sire, plus l'indignation devait vous faire éloquent. Vous deviez laisser quelque chose à la postérité, ne fût-ce qu'une sublime malédiction à vos bourreaux. Aussi la convention étonnée demanda-t-elle. « Vous n'avez pas autre chose à ajouter à votre défense ?»« Non, » répondit le roi. « Vous pouvez vous retirer. » Louis se retira. Il fut conduit dans une des salles attenantes à l'assemblée. Là, il prit M. Decèze dans ses bras et le serra contre son cœur. Puis, comme M. Decèze était en âge, plus encore d'émotion que de fatigue, Louis XVI le pressa de changer de linge et chauffa lui-même la chemise que passa l'avocat. À 5 heures du soir, il rentrait au temple. 1 heure après, ses 3 défenseurs entrèrent chez lui au moment où il sortait de table. Il leur offrit de prendre quelques rafraîchissements. Seul M. de Sèze accepta. Pendant que celui-ci mangeait, « Eh bien, » dit Louis XVI à M. de Malesherbes, « vous voyez, maintenant que dès le premier moment je ne m'étais pas trompé, et que ma condamnation était prononcée avant que j'eusse été entendu. « Sire, » répondit M. de Malesherbes en sortant de l'assemblée, « j'ai été entouré par une foule de bons citoyens qui m'ont assuré que vous ne péririez pas, ou que vous ne péririez du moins qu'après eux et leurs amis. « Les connaissez-vous, monsieur ?» demanda vivement le roi. « Je ne les connais point personnellement, mais certes, je les reconnaîtrai à leur visage. « Eh bien, » reprit le roi, « tâchez d'en rejoindre quelques-uns, et dites-leur que je ne me pardonnerai jamais s'il y avait une seule goutte de sang versée à cause de moi. Je n'ai point voulu qu'il en fût répondu quand ce sang eût peut-être conservé mon trône et ma vie, à plus forte raison à cette heure que j'ai fait le sacrifice de l'un et de l'autre. » M. de Malesherbes quitta en effet le roi de bonheur dans le but d'obéir à l'ordre qui lui était donné. Le 1er janvier 1793 arriva. Tenu au secret le plus rigoureux, Louis XVI n'avait plus qu'un serviteur près de lui. Il songea avec tristesse à cet isolement dans un pareil jour, lorsque Cléry s'approcha de son lit. « Sire, dit le valet de chambre à voix basse, je vous demande la permission de vous présenter mes vœux les plus ardents pour la fin de vos malheurs. « J'accepte vos souhaits, Cléry, dit le roi en lui tendant la main. Cléry prit cette main qui lui était tendue, la baisa et la couvrit de larmes, puis l'aida son maître à s'habiller. En ce moment, les municipaux entrèrent. Louis les regarda les uns après les autres, et voyant un dont la figure dénonçait un peu de pitié, il s'approcha de lui. « Oh, monsieur, dit-il, rendez-moi un grand service. « Lequel ? Demanda cet homme. « Allez, je vous prie, de ma part, savoir des nouvelles de ma famille, et présentez-lui mes souhaits pour l'année qui commence. « J'y vais, fit le municipal, visiblement attendri. « Merci, dit Louis XVI. « Dieu, je l'espère, vous rendra ce que vous faites pour moi. « Mais, dit à Cléry un des autres municipaux, « pourquoi le prisonnier ne demande-t-il pas à voir sa famille ? Maintenant que les interrogatoires sont terminés, je suis sûr que cela ne souffrirait aucune difficulté. « À qui faudrait-il s'adresser pour cela ? Dit Cléry. « À la convention. » Un instant après, le municipal qui avait été chez la reine rentra. « Monsieur, dit-il, votre famille vous remercie de vos vœux et vous adresse les siens. » Le roi sourit tristement. « Quel jour de nouvelle année ? Dit-il. Le soir, Cléry fit part au roi de ce que lui avait dit le municipal sur la possibilité qu'il y aurait peut-être pour lui de voir sa famille. Le roi réfléchit un moment et parut hésiter. « Non, dit-il enfin, dans quelques jours ils ne me refuseront pas cette consolation, il faut attendre. » La religion catholique a de ces terribles macérations de cœur qu'elle impose à ses élus. C'était le 16 que devait être prononcé le jugement. M. de Malesherbes resta assez longtemps avec le roi pendant la matinée. Vers midi, il sortit, disant qu'il reviendrait lui rendre compte de l'appel nominal aussitôt que cet appel serait terminé. Le vote devait porter sur trois questions effroyablement simples. Premièrement, Louis est-il coupable ? Deuxièmement, appellera-t-on du jugement de la Convention au jugement du peuple ? Troisièmement, quelle sera la peine ? Il fallait en outre, pour que l'avenir vît bien, que si l'on ne votait pas sans haine, on votait au moins sans crainte. Il fallait que le vote fût public. Un girondin nommé Birotteau demanda que chacun montât à la tribune et dit tout haut son jugement. Un montagnard, Léonard Bourdon, alla plus loin. Il fit décréter que les votes seraient signés. Enfin, un homme de la droite, Rouillet, demanda que les listes fissent mention des absents par commission et que les absences en commission fussent censurées et leurs noms envoyés au département. Alors commença cette grande et terrible séance qui devait durer 72 heures. La salle présentait un singulier aspect, peu en harmonie avec ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer était triste, sombre, lugubre. L'aspect de la salle ne donnait aucune idée du drame. Le fond en avait été transformé en loge où les plus jolies femmes de Paris, dans leurs toilettes d'hiver, couvertes de velours et de fourrure, mangeaient des oranges et prenaient des glaces. Les hommes allaient les saluer, causer avec elles, revenaient à leur place, échangeaient des signes. On eût dit un spectacle en Italie. Le côté de la montagne, surtout, se faisait remarquer par son élégance. C'était parmi les montagnards que siégeaient les millionnaires, le duc d'Orléans, le pelletier de Saint-Fargeau, héros de Seychelles, Anacharsis Clotz, le marquis de Châteauneuf. Tous ces messieurs avaient des tribunes réservées pour leurs maîtresses. Elles arrivaient, empanachées de rubans tricolores, avec des cartes particulières ou des lettres de recommandation aux huissiers, qui jouaient le rôle d'ouvreurs de loge. Les hautes tribunes ouvertes au peuple ne désemplirent pas pendant les 3 jours. On y buvait comme dans des tabagies, on y mangeait comme dans des restaurants, on y pérorait comme dans des clubs. Sur la première question, Louis est-il coupable, 683 répondirent « oui ». Sur la seconde question, la décision de la Convention sera-t-elle soumise à la ratification du peuple ? 281 voix votèrent pour la paix du peuple, 423 votèrent contre. Puis vint la troisième question, la question grave, la question suprême. Quelle sera la peine ? Lorsqu'on en arrive à là, il était 8 heures du soir de la troisième journée, journée de janvier, triste, pluvieuse et froide. On était ennuyé, impatient, fatigué. La force humaine, chez les acteurs comme chez les spectateurs, succombait à 45 heures de permanence. Chaque député montait à son tour à la tribune et prononçait un de ses 4 arrêts. L'emprisonnement, la déportation, la mort avec sursis ou appel au peuple, la mort. Toute marque d'approbation ou d'improbation avait été défendue, et cependant, quand les tribunes populaires entendaient autre chose que ces 2 mots, la mort, elles murmuraient. Une fois néanmoins, ces 2 mots furent entendus et suivis de murmures, de huées et de sifflets. Ce fut lorsque Philippe Égalité monta à la tribune et dit « Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou qui attendront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort. Je vote pour la mort. » Au milieu de cet acte terrible, un député malade, nommé Duchâtel, se fit apporter à la convention, coiffé de son bonnet de nuit, vêtu de sa robe de chambre. Il venait voter pour le bannissement, vote qui fut admis parce qu'il tendait à l'indulgence. C'était Vergniaud, président au 10 août, qui se trouvait encore président au 19 janvier. Après avoir proclamé la déchéance, il allait proclamer la mort. « Citoyens, dit-il, vous venez d'exercer un grand acte de justice. J'espère que l'humanité vous engagera à garder le plus religieux silence. Quand la justice a parlé, l'humanité doit se faire entendre à son tour. » Et il lut le résultat du scrutin. Sur 721 votants, 334 avaient voté pour le bannissement ou la prison et 387 pour la mort, les uns sans sursis, les autres avec ajournement. Il y avait donc pour la mort 53 suffrages de plus que pour le bannissement. Seulement, en retranchant de ces 53 suffrages les 46 voix qui avaient voté pour la mort avec ajournement, il restait en tout, pour la mort immédiate, une majorité de 7 suffrages. « Citoyens, dit Vergniaud avec l'accent d'une profonde douleur, je déclare, au nom de la Convention, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. » Ce fut dans la soirée du samedi 19 que la mort fut votée, mais ce ne fut que le dimanche 20, à 3 heures du matin, que Vergniaud prononça l'arrêt. Pendant ce temps, Louis XVI, privé de toute communication avec le dehors, savait que son sort se décidait, et seul, loin de sa femme et de ses enfants, qu'il avait refusé de voir, dans le but de mortifier son âme, comme un moine pécheur mortifie sa chair, il remettait avec une indifférence parfaite, en apparence du moins, sa vie et sa mort entre les mains de Dieu. Le dimanche matin, 20 janvier à 6 heures, M. de Malesherbes entra chez le roi. Louis XVI était déjà levé. Il se tenait, le dos tourné à une lampe placée sur la cheminée, les coudes posés sur une table, le visage couvert de ses 2 mains. Le bruit que son défenseur fit en entrant le tira de sa rêverie. « Eh bien » demanda-t-il en l'apercevant. M. de Malesherbes n'osa répondre, mais le prisonnier put voir, à l'abattement de son visage, que tout était fini. « La mort !» dit Louis. « J'en étais sûr. » Alors il ouvrit les bras et serra M. de Malesherbes, tout en larmes, sur sa poitrine, puis « Monsieur de Malesherbes, dit-il, depuis 2 jours, je suis occupé à chercher si, dans le cours de mon règne, j'ai pu mériter de mes sujets le plus petit reproche. Eh bien, je vous jure, dans toute la sincérité de mon cœur, comme un homme qui va paraître devant Dieu, que j'ai toujours voulu le bonheur de mon peuple et n'ai pas formé un seul vœu, qui lui fût contraire. Tout cela se passait devant Cléry, qui pleurait à chaudes larmes. Le roi eut pitié de cette douleur. Il emmena M. de Malesherbes dans son cabinet et s'y enferma 1 heure après avec lui. Puis il sortit, embrassa encore une fois son défenseur et le supplia de revenir le soir. « Ce bon vieillard m'a vivement ému, » dit-il à Cléry en entrant dans sa chambre. « Mais vous, qu'avez-vous donc ?» Cette demande était motivée par un tremblement universel qui s'était emparé de Cléry depuis que M. de Malesherbes, qu'il avait reçu dans l'antichambre, lui avait dit que le roi était condamné à mort. Alors Cléry, voulant dissimuler autant que possible l'état dans lequel il se trouvait, prépara tout ce qui était nécessaire au roi pour se raser. Louis XVI se frotta de savon lui-même et Cléry se tint debout devant lui le bassin entre les deux mains. D'un coup, une grande pâleur passa sur les joues du roi. Ses lèvres et ses oreilles blanchirent. Cléry, craignant qu'il ne se trouvât mal, posa le bassin et s'apprêta à le soutenir. Mais le roi, de son côté, lui prit les deux mains en disant « Allons, allons, du courage !» Et il se rasa avec tranquillité. Vers 2 heures, le conseil exécutif vint pour signifier le jugement aux prisonniers. En tête était Gara, ministre de la Justice, Lebrun, ministre des Affaires étrangères, Roubel, secrétaire du conseil, le président et le procureur général syndic du département, le maire et le procureur de la commune, le président et l'accusateur public du tribunal criminel. Santerre devançait tout le monde. « Annoncez le conseil exécutif, » dit-il à Cléry. Cléry s'apprêtait à obéir, mais le roi, qui avait entendu un grand bruit, lui en épargna la peine. La porte s'ouvrit et il apparut dans le corridor. Alors Gara, le chapeau sur la tête, porta la parole et dit « Louis, la Convention nationale a chargé le conseil exécutif provisoire de vous signifier les décrets des 15, 16, 17, 18 et 20 janvier. Le secrétaire du conseil va vous en donner lecture. » Sur quoi Grouvel déploya le papier et lut d'une voix tremblante. Article 1er. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État. Article 2. La Convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort. Article 3. La Convention nationale déclare nul l'acte de Louis Capet apporté à la barre par ses conseils et qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la Convention nationale. Article 4. Le Conseil exécutif provisoire notifiera le présent décret dans le jour à Louis Capet et prendra les mesures de police et de sûreté nécessaires pour en assurer l'exécution dans les 24 heures, à compter de sa notification, et rendra compte du tout à la Convention nationale immédiatement après qu'il aura été exécuté. Pendant cette lecture, le visage du roi resta parfaitement calme. Seulement, sa physionomie indiqua deux sentiments parfaitement distincts. À ces mots, coupable de conspiration, un sourire de dédain passa sur ses lèvres, et à ceux-ci subira la peine de mort. Un regard qui semblait mettre le condamné en communication avec Dieu se leva vers le ciel. La lecture finie, le roi fit un pas vers Grouvel, prit le décret de ses mains, le plia, le mit dans son portefeuille et en tira un autre papier qu'il présenta au ministre Gara en disant « Monsieur le ministre de la Justice, je vous prie de remettre sur le champ cette lettre à la Convention nationale. » Et comme le ministre paraissait hésiter, « Je vais vous en faire lecture, » dit le roi. Et il lut la lettre suivante d'une voix qui faisait contraste avec celle de Grouvel. « Je demande un délai de 3 jours pour me préparer à paraître devant Dieu. Je demande pour cela l'autorisation de voir librement la personne que j'indiquerai au commissaire de la commune et que cette personne soit à l'abri de toute crainte et de toute inquiétude pour l'acte de charité qu'elle remplira près de moi. Je demande à être délivré de la surveillance perpétuelle que le conseil général a établie depuis quelques jours. Je demande, dans cet intervalle, de pouvoir voir ma famille quand je le demanderai, et sans témoin. Je désirerais bien que la Convention nationale s'occupât tout de suite du sort de ma famille et qu'elle lui permît de se retirer librement où elle le jugerait à propos. Je recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui m'étaient attachées. Il y en a beaucoup qui avaient mis toute leur fortune dans leur charge et qui, n'ayant plus d'appointement, doivent être dans le besoin. Parmi les pensionnaires, il y avait beaucoup de vieillards, de femmes et d'enfants, qui n'avait que cela pour vivre. Fait la tour du temple, le 20 janvier 1793. Louis. Gara prit la lettre. « Monsieur, dit-il, cette lettre sera remise à l'instant même à la Convention. » Alors le roi ouvrit de nouveau son portefeuille et en tira un petit carré de papier. « Si la Convention m'accorde ma demande à l'endroit de la personne que je désire, dit-il, voici son adresse. » Le papier portait en effet cette adresse, toute de l'écriture de Madame Elisabeth, Monsieur Edgeworth de Firmont, numéro 483, rue du Bac. Puis, n'ayant plus rien à dire ni à entendre, le roi fit un pas en arrière comme au temps où, donnant audience, il indiquait par ce mouvement que l'audience était terminée. les ministres et ceux qui les accompagnaient sortirent. « Cléry, » dit le roi à son valet de chambre, qui, sentant les jambes lui manquer, s'était appuyé contre la muraille. « Cléry, demandez mon dîner !» Cléry passa dans la salle à manger afin d'obéir à l'ordre du roi. Il y trouva deux municipaux qui lui lurent un arrêté par lequel il était défendu au roi de se servir de couteau ni fourchette. Un couteau seulement devait être confié à Cléry pour couper le pain et la viande de son maître en présence de deux commissaires. L'arrêté fut répété au roi, Cléry n'ayant pas voulu se charger de lui dire que cette mesure avait été prise. Le roi rompit son pain avec ses doigts et coupa sa viande avec sa cuillère. Contre son habitude, il mangea peu. Le dîner ne dura que quelques minutes. À 6 heures, on annonça le ministre de la Justice. Le roi se leva pour le recevoir. « Monsieur, dit Gara, j'ai porté votre lettre à la Convention et elle m'a chargé de vous notifier la réponse suivante. Il est libre, Louis, d'appeler le ministre du culte qu'il jugera à propos et de voir sa famille librement et sans témoin. La nation, toujours grande et toujours juste, s'occupera du sort de sa famille. Il sera accordé aux créanciers de sa maison de justes indemnités. La Convention nationale a passé à l'ordre du jour sur le sursis. » Le roi fit un mouvement de tête et le ministre se retira. « Citoyen ministre, demandèrent à Gara les municipaux de service, comment Louis pourra-t-il voir sa famille ?»« Mais en particulier, répondit Gara, impossible. Par arrêt de la commune, nous ne devons le perdre de vue ni jour ni nuit. » La chose, en effet, était assez embarrassante. Cependant, on concilia le tout en décidant que le roi recevrait sa famille dans la salle à manger, de manière à être vu par le vitrage de la cloison, mais qu'on fermerait la porte pour qu'il ne fût pas entendu. Pendant ce temps, le roi disait à Cléry, « Voyez si le ministre de la Justice est encore là et rappelez-le. » Au bout d'un instant, le ministre rentra. « Monsieur, lui dit le roi, j'ai oublié de vous demander si l'on avait trouvé chez lui M. Edgeworth de Firmont, et quand je pourrais le voir. « Je l'ai amené avec moi, dans ma voiture, dit Gara. Il est dans la salle du conseil et va monter. » En effet, au moment où le ministre de la Justice prononçait ces paroles, M. Edgeworth de Firmont paraissait dans l'encadrement de la porte.